Le musée du Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. À la suite du départ de Louis XIV pour le château de Versailles à la fin du XVIIe siècle, on y entrepose une partie des collections royales de tableaux et de sculptures artistiques. Réparti en 8 départements, le Louvre contient des œuvres universellement admirées comme la Joconde, la Victoire de Samothrace ou la Vénus de Milo, et est le musée le plus visité au monde puisqu'il possède de nombreuses collections, telles que l'Antiquité orientale, l'Antiquité égyptienne, l'Antiquité grecque, étrusque et romaine, l'art de l'islam, des sculptures, des objets d'art, des peintures ainsi que des arts graphiques. Il possède 35 000 œuvres en exposition et 615 799 œuvres au total, dont 250 033 graphiques. La pyramide du Louvre est une pyramide constituée de verre et de métal, située au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris, et elle abrite l'entrée principale du musée. Elle a été inaugurée une première fois par le président de la République François Mitterrand le 4 mars 1988 et une seconde fois le 29 mars 1989. Commandée par François Mitterrand en 1983, la pyramide a été conçue par l'architecte sino-américain Yu Ming-pei. L'établissement public du musée du Louvre, EPML, créé en 1992, est un établissement public à caractère administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la culture ayant pour mission de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'État et de présenter au public les œuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il la garde, d'assurer l'accueil du public et de développer la fréquentation du musée, ainsi de favoriser la connaissance de ses collections par tout moyen approprié, d'assurer l'étude scientifique de ses collections, de concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de la muséographie, de gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation, de préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il était doté. Chaque année, des millions de visiteurs étrangers ou français viennent visiter le Louvre et cela fait que le musée est connu universellement et accueille de plus en plus de visiteurs chaque année. 7 100 000 visiteurs en 2016, 8 100 000 visiteurs en 2017, 10 200 000 visiteurs en 2018, 9 600 000 visiteurs en 2019 et 2 700 000 visiteurs en 2020.